Elle se lève, était son rêve ou un mauvais film. Une Italienne, il était son âme, son essentiel. Il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Elle y pense encore quand elle s'endort.